puisque j'ai affaire à les hypocrites, jamais je tolère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. Pour tout le monde c'est la devise, t'en fais du mal à personne. Qu'est-ce que je m'en tape de ton avis? Y'a que la Madrid qui me raisonne. Puisque j'ai affaire, il en faut pour qu'on vénère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. Au pays des boîtes, moi je vais pas marcher tout droit. Je prends le meilleur des baveux pour les enfraîtes sans fait les lois. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis devenu lunatique. J'abuse de mon pouvoir comme un flic, on m'a dit. Y'a pas de chemin, bah j'ai fait le mien en marchant. Puis je me débrouille bien, je suis l'apprenti et le patron. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. C'est bien dommage, puta hacienda sur le dos. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. Harbat c'est le clap, Olivia veut ma po. Quand je dédicace, Salah Chewi. Toujours en place sur le verre qui parle son cerveau. Khaoui l'Ida Ben Rohi Daoui. Wallah chouflou Kachraki. Il va charbou bichouia Jaoui. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. C'est bien dommage, puta hacienda sur le go. J'aime trop l'Espagne, c'est mon défaut. Harbat c'est le clap, Olivia veut ma. J'fais ce que j'ai à faire, il en faut pour qu'on vénère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. Tout le monde c'est la devise, tant que j'fais du mal à personne. Qu'est-ce que j'm'en tape de ton avis? Y'a que le padre qui m'a raisonné. J'fais ce que j'ai à faire, il en faut pour qu'on vénère. Changement d'humeur, tel un bipolaire. Au pays des boiteux, moi je vais pas marcher tout droit. J'prends le meilleur des baveux, pour les enfraîtes sont faites les lois.